Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle de Steve Martins, La musique de l'univers. Elle est parue aux éditions Les Artistes Fous. Et dans ce livre, il est illustré par Maniac. Ça fait déjà plusieurs fois que je lis ou que je vois de ses dessins, de ses peintures, de ses œuvres et de ses écrits. Donc aujourd'hui, Steve Martins nous propose de suivre un musicien génial qui est Malek dans ses explorations mélodiques au recoin de l'espace-temps. Un texte qui a fait vibrer notre illustrateur multi-récidiviste maniaque. Voilà, voilà, je commence. Juché sur une dune, Malek jouait un air serein et passe-partout en harmonie avec son humeur légère. D'où il se tenait, il lorgnait la fête qui battait son plein quelques kilomètres en contrebas, plus loin sur la plage. Il entendait la musique aussi. Sa darbouka sur les genoux, il sourit pour lui-même. Les silhouettes en mouvement se détachaient nettement sur le soleil couchant, gravant dans les derniers raies du jour la perfection du moment. Cette perfection, il l'avait déjà vécue lui-même, aussi bien devant que derrière les platines. La folie du Spring Break de Hammamet n'était comparable à aucune autre. Loin des événements putassiers, et m'as-tu vu d'Ibiza ou de Cancun, dernier point de chute à la mode pour jet-setters poseurs qui venaient y ramasser leurs chèques comme des fonctionnaires. Tout cela, cette notoriété de l'esbrouf et du clinquant, au service de l'entertainment, il l'avait fui comme la peste. Ce qu'il avait attiré dans son autre vie de clubbeur, puis de DJ, c'était cet idéal, cette recherche de l'universalité dans la musique. Le beat, le vibe, magnifique, dénominateur commun d'une idée de partage au-delà des pays, des clivages ou des couleurs de peau. Quelque chose au-delà de cette osmose de groupe, certes grisante, mais par trop éphémère. Et au final, quelque peu vaine. Grisante était également cette sensation de faire mouvoir des milliers de personnes d'un seul doigt, un pouvoir quasi divin, mais dont la vacuité se révélait une fois les lumières éteintes et la fête terminée. Les corps fatigués ont besoin de repos, mais la soif spirituelle n'est-elle jamais tarie? N'y avait-il rien d'autre que ces danses frénétiques et la sueur qui en résultait? Ainsi, son émerveillement premier avait laissé place à la désillusion. Il avait bien tenté, par-delà les années, de retrouver son intention de départ, mais n'y était jamais parvenu. Las, il avait raccroché des platines et avait laissé sa place à d'autres. Depuis, il s'était trouvé une nouvelle passion pour la musique elle-même, nue et dépouillée de tout apparat. Sans atour ni superficialité, juste l'authenticité de l'instrument et la mélodie des notes. À l'intérieur d'un studio ou en plein air, il avait retrouvé dans le jeu des percussions toute la profondeur et la véracité qu'il attendait de la musique. Et cela lui convenait à merveille. Depuis la dizaine d'années où il officiait, ci et là, en compagnie de Sada Burka, Malek Rovani était devenue une petite sommité dans le monde des musiques folkloriques et traditionnelles. Nomade par nature et sans attache, il allait là où le vent le portait. À 42 ans, il n'avait pas encore atteint son but premier, celui de retrouver le souffle originel et métaphysique par la musique. Mais chaque nouvelle escale, chaque nouvelle rencontre semblait l'en rapprocher un peu plus. Peut-être un jour. Coupant court à ses méditations, la vibration de son téléphone le rappela à la réalité. Son ami Reda venait de lui laisser un message. Pourrait-il le retrouver à la villa d'ici trois quarts d'heure environ? Il répondit au message, puis jeta un dernier regard aux festivités plus loin. Il avait goûté les plaisirs de cette vie-là sans se consumer entièrement. Il espérait pouvoir en dire la même chose de la foule amassée là-bas. Reda Taïb était l'un des producteurs et ingénieurs du son les plus connus et respectés dans son domaine. Tout comme Malek, l'aspect traditionnaliste de la musique l'intéressait. Mais il était également féru de technologie. Son métier exigeait de solides bagages techniques, mais les avancées en la matière le passionnaient aussi bien à un niveau personnel. Qu'est-ce qui se faisait actuellement? Pourquoi cette marque-ci plutôt qu'une autre? Comment enrichir le vocabulaire musical par de simples manipulations de mastering? Ce fut en enregistrant ses premières maquettes avec une fanfare slave que Malek et ce dernier se rencontrèrent. Aussitôt le courant passa et une amitié simple mais sincère s'épanouit entre les deux hommes. Si bien que lorsque Malek informa son ami qu'il venait passer quelques jours sur la côte tunisienne, ce dernier sauta sur l'occasion. Il venait de se faire construire un home studio sur mesure dans les environs. Serait-il de la partie pour l'inaugurer en bonne compagnie ? Avec plaisir, avait répondu le musicien. Et puis, ça me permettra de voir autre chose que ces satanés touristes, avait-il conclu d'un ton ironique. Moins de 48 heures après son arrivée, il se retrouvait devant le portail d'une magnifique demeure aux dimensions toutefois humaines. Pas de faste clinquant ici, juste une belle et grande maison bâtie avec goût. Reda vint l'accueillir avec chaleur, sa petite silhouette un brin voûteille, contrastant avec la malice qui brillait dans ses yeux. « Malek, Malek, mon ami » fit-il en l'embrassant chaleureusement. « Heureux de te revoir. Tout ce qui est à moi est à toi, ici, sauf les chiens, naturellement. » Le percussionniste dut se pencher pour rendre l'accolade à son hôte. Ce dernier lui fit faire une brève visite des lieux, avant de le conduire au réel joyau de la bâtisse, son nouveau studio d'enregistrement personnel. La pièce était large et haute de plafond, entièrement insonorisée et recouverte de matériaux isolants. Une multitude d'instruments possédant chacun leur batterie de micro parsemaient les lieux, coincés entre des torsades de câbles et de consoles de mixage. Un véritable paradis pour musiciens et techniciens du son. Après quelques instants, Reda attira son compagnon vers un coin de la pièce dont une énorme machine occupait tout un pan. « De quoi s'agit-il ? » demanda Malek en lorgnant un ensemble de potentiomètres et de cadrans dont il essayait de déterminer l'usage. « Très bonne question, mon ami, » rétorqua l'autre, gonflé de fierté. « C'est un variateur d'ondes concrètes. » Devant la mine ébahie du percussionniste, il pouffa et entama son explication. En fait, si tu regardes bien, tu verras que toutes les sources sonores dans la pièce sont directement reliées à cette merveille. Elle analyse les spectres de tonalité, les fréquences et les modulations du son, puis les dissocie des schémas harmoniques primaires. Les notes, si tu préfères. De façon à les transformer en simples vibrations. La musique privée de son caractère mélodique, en quelque sorte. Sans les images, sans lyrisme ou la mélodie des mots qui la composent, que reste-t-il de la poésie ? Tu sais, moi et les lettres ? Le rythme, mon ami, une pure mécanique rythmique et atonale, vidée de ses vecteurs émotionnel. Mais si tu décortiques cette machinerie de la non-mélodie, tu y trouveras des vérités étranges sur son sens profond. Perplexe, Malek haussa un sourcil. Écoute, je n'y comprends pas grand-chose, mais comme je t'aime bien, je veux bien te donner une chance de me réexpliquer tout ça en langue terrienne. Reda explosa de rire, puis poursuivit. La chose à savoir là-dedans, c'est que la musique s'exprime aussi par d'autres moyens que ceux dont tu as l'habitude. Le tempo peut être arythmique. Le son peut être assonant ou dissonant, mais la musicalité s'y trouve néanmoins, même si tes oreilles ne l'interprètent pas ainsi. Imagine la forme négative d'un fa joué dans un spectre sonore où les gammes conventionnelles n'existent pas. Ton fa sera alors remplacé par non. Peut-être un exemple serait-il plus parlant. N'attendant pas de réponse, l'ingé son s'empara d'une cithare et gratta les cordes à vide. Le grondement qui s'ensuivit semblait celui d'une harpe électrique jouée sous l'eau, réverbérée par des centaines d'amplificateurs aquatiques. Étourdi, Malek se demanda si son cerveau avait bien reçu les mêmes informations que ses oreilles. Son ami vint le rejoindre d'un air rayonnant en lui demandant son avis. « Quoi ? Tu crois que... » « Évidemment. Pourquoi penses-tu être ici ? Tout ce qui est à moi est à toi. Rappelle-toi. » Malek déambula ainsi au milieu des équipements et chercha du regard l'un de ses instruments de prédilection. Une darbouka se tenait là, en appui sur un tabouret bas, légèrement différente de la sienne, plus longue et profilée. Mais sa prise en main paraissait agréable. Il s'assit, puis inspira et entama une passe simple en 4-4. L'air gronda autour de lui et s'emplit d'une cavalcade de martèlements au son mat, telle une grêle de plomb s'abattant sur une toiture de plexiglas. L'air et sa mélodie vidée de toute substance n'en subsistaient que leur fantôme rythmique. L'expérience avait en soi quelque chose d'intense et d'exaltant, mais aussi de terrifiant, songea Malek sans s'arrêter de jouer. En outre, son hôte avait disposé les enceintes et les caissons de basse de façon à spatialiser le son au maximum. Poussés à un volume puissant mais acceptable, les sons qui s'en échappaient enveloppaient les auditeurs de leurs zébrures étranges et erratiques. Un autre monde en trouvait doucement ses portes. Il lui fallut plusieurs minutes pour revenir à la réalité. Reda lui tapota doucement le bras, légèrement soucieux. « Cela fait presque une heure que tu joues ainsi, mon ami. Tu avais l'air... « Emporté ailleurs, » conclut-il dans une grimace. « L'as-tu ressenti ?» Question énoncée en termes simples, mais à la signification vaste. Revenant à lui, Malek promena un œil hagard sur la vaste pièce qu'il semblait avoir oubliée. Il se leva alors d'un bond, lâchant son instrument et le scrutant tel une bête capable de le mordre. « Ton truc est génial, » affirma-t-il d'une voix rauque, « mais je ne veux plus y toucher. » Il s'éloigna des instruments, des câbles et des haut-parleurs, décontenancé, lui-même par sa propre réaction. Un moment, il voguait sur une vague de plaisir quasi extatique et l'instant d'après, il s'en extirpait dans un reflux d'appréhension. Que s'était-il passé entre les deux ? Peu après, Reda l'informa de l'arrivée d'autres amis musiciens. Ils seraient impatients, eux aussi, de tenter l'expérience. Malek se joindrait-il à eux, malgré ses réserves ? Il pourrait refuser. La confusion ressentie alors lui laissait une empreinte forte, mais n'avait-il pas ressenti non plus une sorte de jubilation ? Ce vide qu'il avait maintes fois tenté de combler en pure perte, cette impression tenace qui s'agrippait à lui, et s'il trouvait là la réponse à ses questionnements sur la nature profonde de la musique. Au-delà des artifices, elle pouvait ici s'affranchir des dogmes et exprimer les mots, ou les mots de l'âme. Refuser à ce stade serait pour lui de l'idiotie pure. Qu'aurait-il à y perdre après tout ? Les musiciens se présentèrent tôt dans l'après-midi et s'installèrent dans le studio. Malek avait déjà rencontré certains d'entre eux lors de sessions de studio et de festivals. Ces musiciens, aguerris et portés par l'amour de leur métier, vibraient de la même passion que lui. De même que cette curiosité tenace qui l'aiguillonnait lui aussi. « Bien !» fit Reda en se coulant derrière l'une de ses consoles de mixage. « J'ai aussi installé un système d'éclairage spécifique à chaque note jouée. Dans le noir, on pourra voir les faisceaux infrarouges et les ultraviolets correspondant à certaines fréquences. Ce sera un joli spectacle, mes amis. » Dans un sourire, il éteignit le plafonnier et enclencha ses machines. Messieurs, le batteur donna la mesure, puis ils se lancèrent. Un homme bredouilla quelques accords à la contrebasse. Surpris des retours s'échappant du préampli, suivi bientôt par une cuitra, sur lequel se plaqua vite le reste de l'orchestre. Peu importait l'air ou la mélodie, ces musiciens rompus à l'exercice de l'improvisation laissaient leur instrument exprimer leur propre langage. Ils jouaient, tout simplement, et Malek suivait le mouvement. Tac à l'extérieur, doum au milieu. Il ne put s'empêcher de noter les mines ébahies de certains ou les expressions perplexes d'autres. Quelques-uns encore jouaient les yeux fermés, leurs sentiments cadenassés sur eux-mêmes. Alors, il s'investissant de ses propres arabesques, Malek plongea en lui-même à la recherche de ce que cette partition atypique lui inspirait. La musique qui les enveloppait à présent ressemblait à celle d'une dimension où les lois harmoniques n'existaient plus. Une musique extraterrestre s'abreuvant de son étrangeté propre pour redéfinir les normes de la mélodie. Les phalanges fines et gracieuses de ses mains d'artiste couraient à toute vitesse sur l'instrument. Il accéléra le tempo. Ses tocs pleuvaient tels des avalanches de fonte sur des rivages de tôle et ses doums en comme des météorites de vibrations ouatées. Bientôt, une sorte de transe libératrice l'engloutit, lui ainsi que toute pensée rationnelle. Il se vit lui-même jouer d'un tambour cosmique au milieu des astres. Un sourire d'extase irradiait ses traits. Au milieu de cet ensemble cacophonique, des souvenirs musicaux émergèrent peu à peu. Notamment ce morceau de Pink Floyd, Echoes, véritable fresque s'étalant sur plus de 20 minutes et dont il gardait un souvenir prégnant. Le titre débutait par un ensemble de mélodies lancinantes et se terminait de la même façon. Dans le cœur du morceau, purement instrumental, était la véritable quintessence de l'œuvre. Un passage en particulier l'avait toujours fait frissonner, cette partie où les percussions, accompagnant guitare et clavier, montaient en puissance jusqu'à un sommet, évoquant en lui des images primitives, aussi bien que les infinités stellaires. La création du monde ou la naissance de la conscience humaine, encore embryonnaire. Lointains échos d'autres lieux, d'autres temps. Et pris maintenant dans le flux de cette musique insensée, il se nourrissait de ces instantanés pour en abreuver son jeu. Il frappa sa dabourka avec plus de ferveur encore. Au bout d'un moment, le flux hypnotique atteint son climax et son âme décolla vers des cimes vertigineuses. Puis il y eut un déclic. Je vais peut-être arrêter là la première partie. Hein. On se rencontrera donc la semaine prochaine pour la suite. Que va-t-il lui arriver avec cette musique de l'univers ? Donc je vais peut-être vous passer un passage des Pink Floyd, Echoes. Voilà. Passez une très très bonne semaine sur Radio Gemozo. Thank you. Thank you. Thank you. circles of mourning. No one sees.